Seconde Corinthiens chapitre 12. Certes il ne m'est pas convenable de me glorifier, car je viendrai jusqu'aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ il y a 14 ans passés, si ce fut en corps, je ne sais, si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Et je sais qu'un tel homme, si ce fut en corps, ou si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, a été ravi dans le paradis, et a ouï des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à l'homme de rapporter. Je ne me glorifierai d'un tel homme, mais je ne me glorifierai point de moi-même, sinon dans mes infirmités. Or, quand je voudrais me glorifier, je ne serai point imprudent, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit être, ou de ce qu'il entend dire de moi. Mais de peur que je ne m'élevasse à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'élevasse point. C'est pourquoi j'ai prié trois fois le Seigneur, de faire que cet ange de Satan se retirât de moi. Mais le Seigneur m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma vertu manifeste sa force dans l'infirmité. » Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la vertu de Christ habite en moi. Et à cause de cela je prends plaisir dans les infirmités, dans les injures, dans les nécessités, dans les persécutions, et dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été imprudent en me glorifiant, mais vous m'y avez contraint, car je devais être recommandé par vous, vu que je n'ai été moindre en aucune chose, que les plus excellents apôtres, quoique je ne sois rien. Certainement les marques de mon apostolat ont été efficaces parmi vous avec toute patience, par des signes, des prodiges et des miracles. Car en quoi avez-vous été inférieur aux autres églises, sinon en ce que je ne suis point devenu lâche au travail à votre préjudice? Pardonnez-moi ce tort. Voici pour la troisième fois, que je suis prêt d'aller vers vous, et je ne m'épargnerai pas à travailler, pour ne vous être point à charge, car je ne demande pas votre bien, mais c'est vous-même que je demande, aussi ce ne sont pas les enfants qui doivent faire amas pour leurs pères, mais les pères pour leurs enfants. Et quant à moi, je dépenserai très volontiers, et je serai même dépensé pour vos âmes, bien que vous aimant beaucoup plus, je sois moins aimé. Mais soit, dira-t-on, que je ne vous ai point été à charge, mais qu'étant rusé, je vous ai pris par finesse. Et je donc fais mon profit de vous, par aucun de ceux que je vous ai envoyés. J'ai prié Tite, et j'ai envoyé un de nos frères avec lui, mais Tite a-t-il fait son profit de vous? Et n'avons-nous pas lui et moi, marché d'un même esprit? N'avons-nous pas marché sur les mêmes traces? Avez-vous encore la pensée que nous voulions nous justifier envers vous? Nous parlons devant Dieu en Christ, et le tout, ô très cher, est pour votre édification. Car je crains qu'il n'arrive que quand je viendrai, je ne vous trouve point tel que je voudrais, et que je sois trouvé de vous, tel que vous ne voudriez pas, et qu'il n'y ait en quelque sorte parmi vous des querelles, des envies, des colères, des débats, des médisances, des murmures, des enflures d'orgueil, des désordres et des troubles. Et qu'étant revenu chez vous, mon Dieu ne m'humilie sur votre sujet, en sorte que je sois affligé à l'occasion de plusieurs de ceux qui ont péché auparavant, et qui ne se sont point repentis de l'impureté, de la fornication, et de l'impudicité dont ils se sont rendus coupables.